La marée, je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime. Te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse, revient fille verte des fjords, revient violon des violonades, dans le port fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh. Parfum rare des salants, dans le poivre feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites. Ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meurent. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mère bergère m'appelle.